Avant, on n'imaginait pas une entreprise recruter des talents habitant à l'autre bout de la France. Alors que maintenant, on n'imagine pas une entreprise se priver d'un talent sous prétexte qu'il habite à l'autre bout de la France. Comme quoi les temps changent. Le tout étant de pouvoir changer avec. On parle beaucoup du monde d'après. Si on parlait aussi du monde du travail d'après. Découvrez toutes nos solutions de télétravail sur randstad.fr. Randstad. Human Forward. L'humain pour aller plus loin. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, après la crise, demain est-il un autre jour? Une série de Marie Chartron réalisée par Doria Zénine. Au départ de cette série, il y a cette crise sanitaire, économique et sociale dont on voudrait voir la fin et cette envie de visiter en archive d'autres lendemains de crise inachevés quand les banques se sont effondrées. Alors pour commencer, les personnages. Un économiste qui nous manque, un homme face à l'inflation, une femme scandalisée, un journaliste sur le terrain, des citoyens qui occupent l'espace, des sans-domicile, un poète grec et des requins affamés. Ensuite, le décor. Des banques, des emprunts toxiques, Wall Street, l'Islande, la Grèce, la conjoncture, les banques centrales, la cupidité, des terrains vagues, des concerts de casseroles, des ventes aux enchères et des piscines de sang. Aujourd'hui, 4e épisode, attention au décollage. L'Américain est dévoré par l'ardente ambition de faire fortune. C'est l'unique passion de sa vie. Chacun ici désire devenir riche et s'élever dans la société. Personne n'estime impossible d'y parvenir. Tocqueville a écrit cela en 1840. 131 ans plus tard, ce rêve américain est toujours vrai. Vous voyez de loin Wall Street, centre de la communauté financière américaine. Wall Street est une rue qui existe réellement. Une petite rue, à peu près la largeur du faubourg Saint-Honoré, mais qui avec de chaque côté d'énormes immeubles de 40 ou 50 étages qui partent tout droit du trottoir. À travers Wall Street court le fluide vital de l'économie américaine et du rêve américain, c'est-à-dire la réussite, la fortune. Vous voyez devant vous la bourse de New York. Il y a plusieurs bourses à New York, mais la plus grande de loin et la plus grande du monde s'appelle le New York Stock Exchange. C'est là même qu'en 1929, la crise éclata. C'est à Wall Street que les gens se jetèrent par la fenêtre. Et c'est à cause de cette crise que sont venues les lois qui ouvrirent les marchés financiers américains. Car forcés à dévoiler ce qui était autrefois des secrets, les livres et les bilans les plus intimes des grandes sociétés américaines, jusqu'aux rémunérations des grands patrons, tout devenait accessible aux plus petits épargnants et lui donner confiance dans le système. 2008, la crise sans fin. Marie Chartron, Doria Zénine. En avril 1971, Pierre Dumayet se plonge pour l'ORTF dans une enquête en 4 volets consacrée au rêve américain. Au sommaire de cette première partie, la place de l'argent dans l'American Way of Life. Les suivantes seront consacrées à l'âme, au futur et enfin à l'Amérique moyenne. À cette époque, les États-Unis sont en pleine récession, mais les régulations financières mises en œuvre à la suite de la crise de 1929 doivent protéger le monde économique d'un désastre de grande ampleur et surtout donner confiance dans le système. Au printemps 2007, pourtant, la confiance vacille. La bulle immobilière américaine éclate et touche gravement les gens ordinaires. À l'automne 2008, c'est le système financier, auquel personne ne semble comprendre grand-chose, qui s'affaisse dans son ensemble. Suite à la faillite de Lehman Brothers, une curieuse valse bancaire faite de ventes, de rachats et de sauvetages commence entre des établissements dont les noms deviennent tout à coup célèbres comme ceux des chanteurs de country. J.P. Morgan, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Bradford & Bigley, Halifax Bank of Scotland. Et bientôt, la panique s'étend à tous les domaines auxquels les banques prennent part. Le 25 septembre 2008, le président George W. Bush s'adresse solennellement à la nation. CBS News Special Report. A presidential address to the nation. This is an extraordinary period for America's economy. Over the past few weeks, many Americans have felt anxiety about their finances. Nous vivons une période hors norme pour l'économie américaine. Ces dernières semaines, de nombreux Américains se sont inquiétés pour leur situation financière et leur avenir. Je comprends leur inquiétude. Nous avons pu observer des variations à trois chiffres à la bourse. Des institutions financières majeures se sont retrouvées au bord de l'effondrement, certaines ont fait faillite. L'incertitude grandissant, de nombreuses banques ont restreint les prêts, le marché du crédit est paralysé et les familles et les entreprises ont eu davantage de difficultés à emprunter de l'argent. Nous nous trouvons au cœur d'une crise financière sérieuse et le gouvernement fédéral y répond par des actions décisives. Avec le Congrès, mon administration met tout en œuvre pour remédier au problème principal, responsable de l'instabilité sur le marché. Les craintes d'une récession américaine sont de plus en plus présentes, craintes surtout que cette récession s'étende désormais à toute la planète. Crainte également sur la solvabilité des rehausseurs de crédit américains. Les rehausseurs, ce sont des organismes censés garantir de nombreux prêts aux États-Unis. Ajoutez à cela les craintes liées au retour de l'inflation, les pertes abyssales que continuent d'annoncer les banques américaines. Tout cela fait un joli cocktail explosif qui s'est allumé ce matin en Asie et s'est étendu toute la journée aux autres places financières mondiales. Depuis un mois et demi, Wall Street allait mal et le risque de contagion à l'Europe planait. Depuis aujourd'hui, c'est chose faite, le CAC 40 et les principales places boursières européennes ont plongé. À l'origine, des subprimes, des prêts immobiliers accordés à des couples américains modestes, incapables aujourd'hui de rembourser leurs dettes car les taux d'intérêt ont flambé. Et cette crise des subprimes est relancée par BNP Paribas. La banque française déstabilise la planète financière en annonçant aujourd'hui la fermeture de trois de ses six caves, comme l'aveu que la crise américaine a débarqué en Europe. Suspicions et rumeurs de la part des investisseurs. Tous craignent que cette crise américaine des subprimes ne se répercute sur les grands acteurs financiers européens. D'autant que la crise risque fort de durer. Nous nous attendons à ce que la volatilité actuelle se poursuive, car la crise des subprimes est vraiment très opaque. C'est très difficile de savoir qui possède ces obligations et combien de personnes en possèdent. Et la crise de liquidité qui semble menacée est telle que la Banque Centrale Européenne a dû intervenir. Elle a injecté aujourd'hui presque 95 milliards d'euros sur le marché monétaire, une somme record. L'autre économie sur France Inter, Bernard Maris, crise, panique, les marchés dévissent et on ne comprend pas très bien pourquoi. Et non, on ne comprend pas très bien pourquoi, car les États-Unis ont vivement réagi à la crise financière en injectant d'un coup 5% de leur PIB sur les marchés pour sauver leur système. Au total, c'est 10% du PIB des États-Unis qui a été mis au pot. Et pourtant, les marchés paniquent. Mais la panique a tout de même une cause immédiate, c'est qu'il n'y a plus de munitions, plus de liquidités, plus de cash. Ce n'est plus la crise financière qui est en cause, mais la crise de l'économie réelle. Regardez la chute historique du CAC 40, moins 10%, c'est ArcelorMittal, le marchand d'acier, Vallourec, l'équipementier auto, Alcatel, Alstom, qui dévissent de 15%. Certes, Dexia tombe de 20%, ce qui est passionnant, enfin si je peux dire, hein, parce que c'est précisément la banque qui vient d'être sauvée par deux gouvernements, les Français et les Belges, preuve que l'on n'a même plus confiance dans la valeur de ce sauvetage. Mais la crise économique est là parce qu'il n'y a plus de crédit. Chaque fois que monsieur Trichet met un euro sur le tapis, il est caché par les banques sous leur matelas. Et de toute façon, comme la valeur de leur portefeuille est en chute libre, cet euro ne suffit évidemment pas à compenser leur chute. Voilà, la crise se propage et la carte du monde clignote de toutes parts sous l'effet de sa progression. Dans le processus d'une maladie, la crise est la manifestation d'un déséquilibre de l'organisme par un symptôme donné. Elle est considérée comme un moment de rupture qui implique de prendre des décisions. Arrêtons-nous un instant dans l'arrière-cuisine du référencement d'archives. Les mots-clés « contamination » et « contagion », pourtant un grand classique en temps de guerre ou de crise économique, produisent un résultat particulièrement pléthorique en 2007-2008, à la fois sous l'effet de la grippe aviaire et de la crise économique. Un pli mental, ou plutôt devrait-on dire un réseau, est en train de se graver dans les esprits. L'hémorragie, la contagion, la propagation inéluctable deviennent insensiblement une manière de voir le monde. À l'automne 2008, le système bancaire de la discrète Islande s'effondre, laissant entrevoir au reste du monde que nul n'est à l'abri. En rentrant chez vous, Catherine Ejiofor, on voit un journal sur lequel il y a écrit « L'Islande ruinée après 10 années de folie ». Vous avez vécu ces 10 années de folie ? Oui. oui, bien sûr. Et j'ai été aussi prise au dépourvu que tout le monde au mois d'octobre passé, quand du jour au lendemain, le Premier ministre a fait un discours disant « La situation est grave » et en terminant par « Dieu bénisse l'Islande ». C'était vraiment le signe que tout allait très mal. On nous annonçait que tout avait basculé, mais on ne savait pas où, et dans quel sens, ni pourquoi, ni comment. Parce que dans la vie quotidienne, on n'a rien remarqué de changé pendant les premiers jours. Enfin, c'est... La vie continuait, quoi. Et puis, donc, les nouvelles affluaient de plus en plus à la télé, à la radio. Une crise qui frappe tout le monde et qui était capable de mettre un pays à genoux, c'est l'Islande, qui se retrouve au bord de la faillite. Les 3 banques du pays ont coulé, l'État a dû les repêcher et la facture est tellement importante que Reykjavik va probablement demander l'aide du FMI. C'est donc l'histoire d'un pays qui ne connaissait ni chômage ni récession et qui d'un seul coup se retrouve au bord du gouffre. Des milliards de dettes dont on ne comprenait pas ni l'origine ni pourquoi on doit les rembourser. Hein ? Je n'ai pas encore compris pourquoi la population de l'Islande doit rembourser ces dettes-là. Enfin, il paraît que c'est comme ça. Tout le monde que je connais a perdu d'argent. C'était nous une Sigurdardóttir. Tout le monde, dans une manière ou une autre. La couronne, elle, maintenant, elle a son moitié, presque, qu'il y a quelques mois. Et ça veut dire que les prix, ils sont complètement élevés pour nous, les Islandais. Et beaucoup de gens ont perdu tout leur argent dans les fentes. Ouais. Et on a eu des amis au foire de livres de Francfort et ils ne pouvaient pas utiliser ces cartes de crédit. Alors c'est une situation terrifiante. D'un seul coup, les prix, quand j'ai un paquet de lab pour se raser, moi je me rase. Mais avant, on payait le paquet de lab, je ne sais pas si c'est mieux que ça, ça fait 6 mois, on payait un paquet de lab 800 couronnes. On l'a vu l'autre jour, les prix, 3900 couronnes, quoi. Ça fait du 250 à 300%. Olafur Isleifsson, on vous connaît comme un économiste. On dit, Olafur, que dans ce pays est rentré l'équivalent de 83 ou 87 milliards de dollars, c'est-à-dire beaucoup d'argent est arrivé en Islande. Est-ce que c'est pour cette raison que la crise a été si forte et que vous êtes devenu l'espèce de modèle du pays ravagé par la crise ? The economic policy here. Les règles économiques ici étaient appliquées de telle façon que les taux d'intérêt grimpaient et grimpaient. Again and again, there was a huge interest differential. Il y avait un différentiel énorme entre nous et le monde extérieur, ce qui a attiré les capitaux étrangers, et le système bancaire ici est devenu démesuré par rapport à l'économie nationale. En bref, le problème que nous avons eu à affronter, c'est donc la taille gigantesque du secteur bancaire. Cet afflux énorme de capitaux étrangers et un encours insuffisant, comme je vous l'ai dit, que ce soit derrière les banques ou derrière la monnaie. Et quand le système financier international a été pris dans un tourbillon, nous avons été les premiers à tomber. Il n'y a pas, ou en tout cas pas encore, de panique au guichet à proprement parler, mais ces retraits massifs d'argent des banques grecques dépassent déjà 10 milliards d'euros selon des estimations officielles, soit plus de 4% du total des dépôts bancaires du pays. On pense qu'il s'agit de Grecs, plutôt fortunés, qui transfèrent leurs avoirs dans les succursales de banques étrangères, histoire de se couvrir en cas de faillite générale. Sauf qu'en pareil cas, c'est précisément ce type de comportement qui précipite les crises. Les banques grecques, déjà malmenées par la crise financière, ont impérativement besoin de cet argent pour fonctionner. Et l'État grec, lui, a impérativement besoin de ces banques nationales, puisque ce sont elles qui financent sa dette aujourd'hui en achetant ses bons du trésor. Bref, aujourd'hui, c'est tout le château de cartes grec qui est en train de vaciller. renforçant l'ultime rouage de cette mécanique implacable, renforçant la défiance des marchés financiers à l'égard du pays. Résultat, les taux d'intérêt sur la dette grecque s'envolent, plus de 7,3% aujourd'hui, quand l'Allemagne, la référence en Europe, s'endette à seulement 3%. À ce jeu-là, à ce jeu infernal-là, la Grèce ne pourra plus tenir très longtemps. Chacun y va de sa tirade, ouais. Hein, c'est ça? Ouais. Ils nous ont amené Papadimos, le Premier ministre, et Voridis, qui est un des fachos au pouvoir. Et ils vont nous amener aussi Ioannidis, qui était un de la junte. La junte ne s'est pas arrêtée en 1973. La junte revient. C'est le retour de la junte. Pour toi, c'est un coup d'État financier. C'est un coup d'État. Oui, je pense que les technocrates, ils ont pris les gouvernements. Ils ont pris le gouvernement grec, ils ont pris le gouvernement italien. Peut-être que les Italiens sont contents parce que Berlusconi n'est plus. Nous aussi, pas mal de gens sont contents que Papandreou et les grandes familles ne sont plus en devant de la scène publique, disons. Parce que je doute encore si ça va être le cas, mais je pense très, très honnêtement que c'est les effets d'une globalisation, que les technocrates vont prendre le pouvoir comme des sauveurs. Trois partis se sont mis d'accord. En tout cas, c'est un déni de la démocratie, quoi, au pays qui l'a inventé. Totalement. Nous sommes en occupation, on est un protectorat, on est en colonisation. Avant la crise, ils nous donnaient ils nous poussaient à acheter des véhicules. Hein? Des véhicules neufs, ils allaient faire une loi comme quoi les vieilles véhicules de 10 ans, il fallait les mettre à la poubelle, avec etc. Avec des primes à la casse. Et pour acheter quoi? Des voitures françaises et allemandes. Oui, pareil pour l'armement. Voilà. La même chose pour l'armement. Et puis l'armement, n'en parlons pas. On avait et une dépense d'armement voilà. Énorme pour un petit pays. Et une corruption énorme là-dessus aussi, là-dessus, évidemment. Et votre armement, vous devez nous l'acheter à nous, à la France, à l'Allemagne. Bien sûr, mais il y a des clauses là-dessus. On est obligé d'acheter. Donc on emprunte pour acheter des choses qui font marcher les économies des autres pays européens. Attribuer les causes de la crise au peuple, ça va leur revenir à eux aussi à un certain moment. Parce aux Européens, aux autres Européens. Ouais. Parce que la dette grecque a des chiffres absolus ou au pourcentage du PIB qu'on doit n'est pas plus grande que celle de la France en pourcentage du PIB ou celle de l'Allemagne ou celle de l'Italie. Simplement, certains marchés ont décidé que nous sommes plus à risque de ne pas pouvoir payer. Et du coup, on ne peut plus emprunter. Donc on a dû emprunter à des taux d'intérêt inférieurs à ceux des marchés, mais supérieurs à ceux que les autres empruntent. C'est de l'usure. La Grèce, elle peut faire défaut. Pourquoi ? Parce que elle a une économie qui est extrêmement faible, avec une productivité très faible, et puis qu'elle vit dans la zone euro avec une monnaie considérablement surévaluée. Donc, elle est dans une situation qui est très compliquée. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu le pivot entre les deux crises. Il y a la crise du passé, c'est-à-dire la dette privée, et puis il y a la crise qui va venir, qui est celle de la dette souveraine et de la dette des États. Les agences de notation avaient complètement loupé la crise des subprimes, et donc elles essayent de se rattraper. Oui, car je ne l'ai pas rappelé. Merci de le dire, Philippe. C'est à partir d'une agence de notation qui a fait chuter, en fait, la situation de dégrader. Voilà. Hein. Et il faut rappeler quand même que la note est extrêmement mauvaise. Systématiquement, ces agences de notation se trompent. Et d'ailleurs, il y a un problème important, c'est que la Banque Centrale Européenne utilise ces notations pour accepter ou pas la dette des États comme collatéral quand les banques privées, en particulier les banques privées grecques, qui détiennent évidemment de la dette publique grecque, veulent se refinancer auprès de la Banque Centrale Européenne. Donc là, on a un scénario où on a vraiment une recette pour transformer une crise locale générale qui aurait dû le rester, qui est une crise grave des finances publiques grecques, en une crise potentiellement systémique en Europe. Ça vient aussi du fait que, clairement, les institutions européennes n'ont pas joué leur rôle au sens où elles n'ont pas clarifié leur position. Et est-ce qu'il y aura un sauvetage au sens où on prendra à notre compte la dette publique grecque ? Donc, je crois que c'est une histoire mal partie et qui n'aurait pas dû avoir lieu au sens où c'est très lié à un problème conjoncturel du fait que les agences de notation veulent se refaire une virginité sur la Grèce. S'il fallait désigner des coupables, ce serait tout un système qui est fondé sur l'endettement et des États et des ménages, sur une vie à crédit en quelque sorte, qui arrange tout le monde. Pourquoi les ménages s'endettent-ils ? Parce qu'on ne leur permet plus des hausses de salaire ou peu au nom de la compétitivité. Donc pour leur donner du pouvoir d'achat, on les laisse consommer en s'endettant. Pourquoi les États s'endettent-ils ? Pas tous, c'est vrai, mais parce qu'ils ont une politique de baisse des impôts compensée par l'emprunt. Du côté des entreprises, elles aussi s'endettent parce que la pression des actionnaires est telle qu'elles ne font plus d'investissements à long terme, mais préfèrent délocaliser ou s'enrichir par des fusions-acquisitions. Et à terme, vous pensez que c'est une politique suicidaire ? Il suffit de voir l'importance des investissements français à l'étranger, plus important que les investissements étrangers en France, et qui sont les uns et les autres des prises de capital. Cela veut dire qu'on laisse l'investissement industriel aux autres nations. Alors on va commencer par une première couche de coupables. Voilà, les banques centrales. Alors vous allez me dire, mais justement la Fed, tout ça, bon. Mais les banques centrales qui, par une politique extrêmement conciliante en termes d'emprunt, laissent faire. Typiquement, les États-Unis empruntent pour acheter des actions hors du pays et les revenus de leurs actions font plus que compenser les coûts de leurs emprunts. Ils y gagnent, autrement dit. Coupable parmi les coupables, Monsieur Greenspan, dont la devise était « Fed buy all notes, emprunté, on refinancera ». Deuxième couche de coupables. Les banques commerciales, cupides, aveugles, qui elles aussi poussent à l'endettement, se débarrassent de leurs créances pourries vers des hedge funds, que ces mêmes hedge funds leur refourguent, pardonnez ce mot très vilain, pardonnez le mot, après les avoir titrisés, c'est-à-dire dissimulés avec d'autres créances un peu moins pourries sous du papier d'argent. Alors là, on va mettre notre petite troisième couche de coupables. Les cambistes, les boursicoteurs, les spéculateurs qui oscillent entre l'incompétence noire, le mimétisme, le panurgisme, la naïveté, entre parenthèses, les marchés sont toujours efficaces, disent-ils, ne vous en faites pas, et l'insatiabilité, toujours plus, encore plus de profits, encore plus de profits spéculatifs, et ils transforme l'épargne des braves gens en subprimes. Autrefois, pour protéger les petits épargnants, on distinguait soigneusement entre banque de dépôt et banque d'affaires spéculatives. La séparation a été abolie. Tout le monde est concerné par la crise. Cette crise qui affecte les vies quotidiennes sans que nous en comprenions vraiment tous les rouages s'installe aussi progressivement dans le langage en invitant dans toutes les bouches des mots nouveaux. Des mots dits et redits, dont le contenu est parfois flou, mais qui migrent insensiblement hors de la sphère économique et pénètrent les imaginaires pour devenir une manière de percevoir et d'écrire le monde, collectivement, mais peut-être aussi intimement. Par exemple, la mystérieuse économie réelle, dont nous avions toujours cru qu'elle ne pouvait être que réelle. L'exotique Troïka, composée de la Banque Centrale Européenne, de la Commission Européenne et du Fonds Monétaire International. Les hedge funds, les poétiques bulles financières, les actifs toxiques, la titrisation et sa magie noire, la sécurisation salvatrice, l'ordre vigoureux des banquiers centraux, les lettres qui marchent par trois, AAA, BBB, CCC. Et enfin, la dette souveraine et sa compagne inséparable, la consolidation budgétaire, aussi connue sous le nom d'austérité. En cas d'infection virale, un organisme se défend en produisant des anticorps pour atteindre dans le meilleur des cas une immunité. En septembre 2011, des manifestants s'installent dans le parc Zuccotti, à côté de la bourse de Wall Street, pour protester entre autres contre le sauvetage des banques avec des fonds publics. Ils y passeront plusieurs semaines et le mouvement essaimera dans d'autres villes des États-Unis. Dites-moi à quoi ressemble la démocratie. Voilà à quoi ressemble la démocratie. Like, but what do you think about the people who Qu'est-ce que tu penses des gens de Wall Street, des banquiers, des gens qui arrivent ici à 8h du matin? Oh man, that's awesome. Like in the beginning, they would just walk by, just look at us like some kind of freak show, you know? Au début, ils passaient en nous regardant comme des bêtes de foire et nous ignorant. Would not say anything. But like a few days back, I've seen a woman walking by one of sleeping guys over there. Il y a quelques jours, j'ai vu une femme s'approcher d'un gars qui dormait. Elle a commencé à le frapper. Like a yuppie or some loser or homeless, and she said, "Oh." Elle traitait de yuppie, de loser, de clochard. Elle disait, et c'est nous qui payons pour tout ça. Elle était très en colère. I think they're starting to get scared. Maintenant, ils ont peur. And I see like more instances like that when they're not anymore like just watching us, but getting like emotionally involved. They're getting. Ils ne se contentent plus de nous regarder. Ils sont investis et en colère contre nous. Et ça, c'est bon signe. Alors, les panneaux, il y a... This recession has destroyed my family. Thanks, Wall Street. C'est cette récession a détruit ma famille. Merci, Wall Street. Parce que, aussi, on avait vu une femme qui avait un panneau un peu similaire qui disait... Wall Street, c'est la raison pour laquelle moi et ma fille, on vit en pauvreté. C'était une jeune femme qui avait ça. Et il y a aussi ça fait un peu peur aux gens de mon âge. C'est je suis un étudiant en master's et j'ai 80 000 dollars en dette. J'ai 23 ans et j'arrive pas à avoir un travail. Parce qu'en fait, ce que Bush, il a fait, et aussi c'était soutenu par Wall Street, c'était de remonter les taux d'intérêt. Alors, je sais qu'en France, par exemple, les étudiants, ils peuvent emprunter l'argent à zéro intérêt. Nous, le plus bas qu'on peut emprunter l'argent, c'est à 6,8. Et c'est un business, quoi. Comme toutes les autres, même, ils jouent sur la pauvreté. Ça veut dire que si on est riche, on peut aller à l'école, on n'a pas de problème. Si on est pauvre, on doit s'endetter, on doit se couper un bras et une jambe juste pour avoir une éducation et espérons un travail après. Mais dans cette économie, c'est même pas assuré. Et aussi, j'aime bien celle-là, il y a corporations aren't people. En fait, c'est les corporations ne mangent pas, les corporations ne dorment pas, les corporations ne tombent pas malades, les corporations ne sont pas des personnes. Parce qu'en fait, il y a une loi qui est passée aux États-Unis qui disait qu'une corporation est comme une personne. Alors, je suppose, je ne suis pas sûre, mais je sais que pour ces manifestations, il y a JP Morgan, une grande banque de Wall Street, qui a donné apparemment 4,5 millions de dollars en armes à la police. Et avec ma copine, on se disait, non, mais c'est complètement fou. On ne peut pas avoir une corporation qui donne à quelque chose de public comme la police. Et même Obama, il a reçu beaucoup d'argent des corporations, tous les deux, même pour les corporations les plus grandes comme Goldman Sachs. Normalement, ils donnent aux deux candidats. Comme ça, n'importe qui gagne, ils ont quand même quelque chose d'effondré. En 2008, quand l'économie américaine sombre, Marc Horvath perd sa voiture, sa maison et son boulot bien payé dans le marketing. Pour échapper au désespoir et se donner une raison de se lever le matin, il prend une caméra et interroge les sans-abri aux quatre coins des États-Unis, quand des familles entières découvrent la liberté d'une vie sans bagages, mais aussi sans ressources. We've been homeless now since the very end of March. Allentown, Pennsylvanie. Carole est sans abri avec son compagnon depuis 8 mois. Ils vivent dans une tente dans les bois, près de la rivière, et ils ne se mélangent pas trop au reste des sans-abri. Ils sont victimes de l'économie, espèrent retrouver une vie normale avant l'hiver. Go back to living a normal life. I hope so. I don't think either one of us ever thought, especially at our age, that we were going to end up living like this. We're both almost 50. We're grandparents. I'm extremely. Ils ont 50 ans, sont grands-parents, et sont extrêmement reconnaissants que les organisations caritatives les aident, leur donnent des vêtements, de la nourriture. Now, are you also looking for work? No, not at this time. No, actually, what happened was, being homeless, I was able to get assistance through the Department of Welfare. And then since found out, because it's the first time I've actually had medical coverage in a long time, found out that I Carole ne cherche pas de travail parce que devenir sans abri lui a au moins permis une chose, bénéficier d'une couverture maladie. Because had I not been homeless, I would not have had medical coverage. I wouldn't have found out. Michelle. Hi. We're here in Eugene, Oregon. You're living in a camper in a church parking lot. I am. I had to have a roof for my kids for a little bit longer. I had the van. À Eugene, en Oregon, Michel a garé son camping-car sur le parking d'une église. For a while. Et ce camping-car, c'est un toit fixe pour ses enfants. So well. It was beautiful. Avant d'avoir accès à cette place de parking, elle était partie dans les montagnes. C'était magnifique, mais le temps n'était pas très clément. Et un matin, ils se sont réveillés sous une grosse couche de neige. Et puis c'était un peu compliqué d'accompagner les enfants aux arrêts de bus. Well, before you found this parking program, what was it like? It was stressful. It was stressful because I didn't want to do the whole. Avant de trouver cette place de parking, c'était très compliqué parce qu'elle ne supportait pas les déplacements permanents, dormir là, puis là, ne jamais pouvoir s'installer. Living in an RV to me seems, and I try to do this, I try to laugh at it humorously, but it's like living in a like a spaceship, like a, the movie Lost in Space or Star Trek, where you get into your ship and you fuel up and you say, oh, I want to go to the next adventure. Vivre dans un camping-car pour David à Venice Beach, c'est un peu comme vivre dans un vaisseau spatial, un peu comme dans Star Trek ou dans le film Lost in Space. On monte et c'est parti pour une nouvelle aventure. Tiens, si on cherchait un endroit paisible. Voilà, mais en 9 mois, la réalité s'est révélée un peu différente. Les gens ont des réactions négatives, les chassent. Three wishes. One, concerning this particular issue, more attention to it, more serious attention to it. Et s'il devait avoir 3 vœux, il souhaiterait plus d'attention, plus de ressources aussi. Pas forcément de l'argent, pas forcément une voiture, mais des possibilités. Et dans son futur, il s'imagine assis dans son salon, regardant la télévision, ou cuisinant pour ce qu'il aime. C'est ce que tout le monde veut. Personne ne veut être dans la rue. Yeah, one more wish would be I wish people would be more human. I wish they would just see the people that are on the street or anywhere. Un autre vœu peut-être. And not assume il souhaiterait que les gens soient plus humains parce que parfois ceux qui sont dans la rue ont besoin d'aide, de ressources ou bien d'un câlin. And you never know. We already have millions of families today. That have zero wealth. Nous avons déjà des millions de familles aujourd'hui qui ont zéro, moins que zéro richesse. Des millions de familles possèdent moins que rien. Sous l'effet de la crise, la pensée politique s'accélère. Elle s'exprime sous des formes populaires et spontanées. Les indignés espagnols avaient occupé la Puerta del Sol à Madrid en mai 2011. En France, des campements s'installent à Paris, Lyon, Toulouse et Montpellier. En Grèce, la population manifeste et la coalition des partis de gauche Syriza prend forme en réaction aux réformes imposées par l'Europe. Les mouvements d'occupation essaiment un peu partout. I feel the beginning of a movement here that is the Tea Party with brains. That is, je sens le début d'un mouvement, une sorte de Tea Party qui aurait un cerveau. Une génération plus jeune entre 25 et 45 ans qui n'a pas encore été démolie. And now we're making connections with the intelligentsia occupying in Spain. Ici, on retrouve l'intelligentsia des mouvements d'occupation d'Espagne, d'Athènes, de France. Ce mouvement se globalise, il est présent sur Internet, et l'un de ses espoirs serait de parvenir à des grèves massives, comme vous savez les faire en France. Vous êtes français, nous voulons apprendre de vous comment faire. France is running out of steam. Car même si vous n'avez plus beaucoup d'inspiration aujourd'hui, you started building FDRism in the 50s. Vous avez construit un État fort dans les années 50. You've evolved to our Reagan period. Et maintenant, c'est votre période réganienne à vous, avec votre nain impérialiste, Sarkozy. Vous avez votre propre Reagan, dont j'espère vous allez vous débarrasser. Notre but est d'apprendre les uns des autres pour lancer des infos, des actions mineures que les riches écouteront. C'est un rassemblement ici des partis politiques, des gauches, des syndicats aussi. L'orateur est en train de dénoncer ce qui est en train de se passer actuellement en Grèce, c'est-à-dire les entreprises grecques sont bradées, les biens publics sont bradés aux ce qu'on appelle les rapaces internationaux. C'est une des manifestations qu'on voit assez souvent en Grèce depuis 2010, bien que pas très bien suivie hein, ce soir. Qui était dans la rue? Fer. Tout le monde, le peuple, pas une catégorie en particulier. Les gens avaient besoin et envie de dire qu'il en avait ras-le-bol. Il y a ce mouvement populaire qui est apparu avec les casseroles et les cuillères. Il y avait tous les samedis une réunion. Et là, ont pris la parole des gens, comme vous et moi, des gens absolument hors de la politique, des ouvriers, des infirmières, des professeurs, qui avaient quelque chose sur le cœur à dire, et certains même des talents d'orateur. Et ça a été vraiment pour moi le phénomène le plus intéressant. Parce que jusqu'ici, les Islandais, on ne les entendait pas beaucoup. Donc, on espère que ça va changer. Et ça va être très intéressant, justement, le résultat de ces élections. Parce qu'on va voir si, en fin de compte, on prend les mêmes et on recommence. Ou bien s'il va y avoir quand même quelque chose de changé. C'est-à-dire une poussée vraiment de la base et de nouvelles têtes, de nouvelles idées. Et si par exemple, on a eu 2000 gens dans un endroit à Reykjavik où les politiciens étaient, on pouvait demander aux politiciens tout ça, et j'étais complètement frappée par la dignité des gens. Ils ont dit directement à nos ministres, on veut que, c'est pas personnel, mais on veut que vous vous en allez. De mon point de vue, et je pense que je parle pour des millions et des millions de sans-abri américains, il y a une guerre qui se joue dans ce pays. Et je ne fais pas allusion à la guerre en Irak ou en Afghanistan. Non, je parle d'une guerre menée par certaines personnes, parmi les plus riches et les plus puissantes de ce pays, contre les familles laborieuses des États-Unis. Contre la classe moyenne de notre pays, qui s'amenuise et disparaît. Les milliardaires d'Amérique sont sur le sentier de la guerre. Ils veulent plus, encore plus et toujours plus. Et c'est complètement en lien avec cet accord conclu entre les républicains et le président. Ce désir de changement, de remise à plat des institutions démocratiques et des fondements de la fameuse économie réelle, remettent en lumière certaines figures politiques, comme Jeremy Corbyn au Royaume-Uni ou le sénateur Bernie Sanders aux États-Unis. Ce dernier engage les démocrates au pouvoir à moraliser la finance et à rétablir la justice fiscale. munis de cartels, de schémas, de documents et d'une avalanche de chiffres, il prend la parole le 10 décembre 2010 contre la décision de Barack Obama de reconduire les exemptions d'impôts décidées par son prédécesseur George W. Bush. Avec un discours fleuve de 8h30, il tente de faire obstruction par la technique dite du filibuster ou obstruction parlementaire. In my view, Mr. President, selon moi, Monsieur le Président, une majorité de gens est en accord avec nous sur cette question. Mais il faut qu'ils fassent entendre leur voix auprès de leurs sénateurs, auprès des membres du Congrès. Et s'ils le font, je pense que nous progresserons avec un accord qui protégera la classe moyenne et les familles de travailleurs, et pas une demi-mesure qui profitera aux gens les plus riches de ce pays. Christian Chavagneux, est-ce que nous, on a une leçon économique à tirer de cette histoire? L'un des fondements, l'un des piliers de la démocratie, c'est le consentement à l'impôt, le fait qu'on est sûr que tout le monde paye des impôts en fonction de sa propre capacité à les payer. On voit que chez quelques puissants, chez quelques personnes à revenus très aisés et chez les grandes entreprises, il y a des gens qui ont des capacités à payer et qui payent moins. Et ça, c'est vraiment un gros problème démocratique. Bon, on continue sur le sujet, mais d'une autre manière, puisque nous avons vécu cette semaine la collision de cette affaire Cahuzac avec le offshore leaks. Ça a été très puissant, hein, par-delà les frontières, de lire, de voir ces médias qui braquent tous en même temps leurs projecteurs sur les paradis fiscaux. Quand on dit « l'argent est en Suisse, l'argent est au Caïman », non, l'argent généralement, il est dans votre coffre, dans votre portefeuille, il est dans les titres, le patrimoine que vous détenez, sauf que le principe même du paradis fiscal, et ça c'est la clé, c'est de découpler le lieu où vous avez votre argent, et le réellement et le lieu où il est enregistré et donc contrôlé et taxé. C'est ça. En fait, un paradis fiscal, c'est juste un principe juridique d'enregistrement du lieu où est votre patrimoine, votre salaire, les revenus de votre patrimoine. Emmanuel Le Chypre. Non, mais je vois que c'est au niveau mondial, et juste pour resituer l'ampleur du phénomène, on a des estimations qui donnent le vertige, hein. C'est l'estimation très basse du FMI, c'est 5 500 milliards. C'est déjà trois fois ce que produit la France chaque année. L'ONG Tax Justice Network nous dit que c'est plutôt de 19 000 à 30 000 milliards. Et grosso modo, vous avez la moitié des transactions mondiales qui transiteraient par des paradis fiscaux. Des transactions financières, parce qu'évidemment, aujourd'hui, ça fait partie du paysage quotidien, du business mondial. Et c'est pour ça que si on veut lutter contre ces paradis fiscaux, encore une fois, il va pas falloir être naïf, hein, et nous, les petits Français, vouloir tout faire tout seul. Parce que tout bêtement, je vous rappelle que si, par exemple, Total n'est pas dans les paradis fiscaux, eh bien, Total n'a plus accès aux gisements gaziers et pétroliers les plus importants du monde, parce que... Comment ça ? Parce que les pays du Golfe ont l'habitude de travailler dans les paradis fiscaux. Les achats d'avions, par exemple, des compagnies américaines se font via des banques qui sont situées dans les paradis fiscaux. Si vous empêchez les banques françaises d'être dans les paradis fiscaux pour travailler avec ces compagnies-là, vous supprimez aux banques françaises la possibilité de gagner beaucoup d'argent, comme elles l'ont fait avec ces crédits aux compagnies aériennes, par exemple. Alors, vous regardez les documents publiés sur le site du Conseil des prélèvements obligatoires, fin janvier, donc c'est tout récent, Conseil des prélèvements obligatoires, émanation de la Cour des comptes, on est bien d'accord. En tout, on nous dit Société Générale, 91 filiales dans les paradis fiscaux, Crédit Agricole 150, BNPP 334. Là, je pense que, oui, peut-être que pour des raisons de concurrence, et encore, on ne va pas tout justifier par l'économie libérale, puisque l'économie de marché fonctionne avec les paradis fiscaux, on va tous aller dans les paradis fiscaux. Non, on peut nous aussi commencer à lutter, et vraiment, visiblement, il y a des acteurs qui sont beaucoup plus que d'autres. Alors, le regard a quand même changé. On l'a entendu en 2009 quand même. Alors vous allez m'expliquer dans quelques instants pourquoi rien ou si peu a été fait. Mais le regard a changé. Les États sont endettés. Qui dit paradis fiscal dit moindre entrée fiscale. Est-ce qu'on a encore les moyens de les supporter, Emmanuel Le Chypre? Non, mais c'est vrai que parce qu'avant c'était un sujet de l'ONG, de l'acceptabilité de l'impôt qu'évoquait Christian tout à l'heure est important parce qu'on est en plus dans un contexte où ce problème spécifique risque peut-être d'être la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. On est dans la pire crise depuis la Deuxième Guerre mondiale. On a un niveau d'imposition en France qui est maintenant le deuxième niveau d'imposition mondiale derrière le Danemark. Tout le monde, avant même cette affaire Cahuzac, parlait de seuil d'insupportabilité de l'impôt. Même le président de la République disait, et la Cour des comptes disait, il faut privilégier maintenant la réduction des dépenses publiques, etc. Donc on demande des efforts aux Français absolument considérables, comme on en a très peu demandé, encore une fois, depuis 50 ans. Et C'est ça qui est terrible, c'est que on se rend compte, voilà, que finalement ce sont toujours les mêmes qui, encore une fois, vont payer. Et quand on regarde le manque à gagner fiscal, rien que pour la France, hein, c'est terrible. On parle de à peu près, même si c'est une soixantaine de milliards de dollars, d'euros. Songez que notre déficit public annuel, c'est à peu près 90 milliards. Donc ça couvrirait les deux tiers de notre déficit. Et puis je vous cite juste un chiffre. En fait, la moitié des sommes placées dans les paradis fiscaux, soit à peu près 8000 milliards, seraient entre les mains d'un tout petit nombre de moins de 100 000 super riches, c'est-à-dire 0,001% de la population mondiale. Vous vous rendez compte un peu cette effarante concentration de richesses? Et c'est vrai que l'austérité, du coup, serait quand même beaucoup plus supportable. Vous savez que Boris Cyrulnik participait à la commission Attali et qu'il est l'un des promoteurs du concept de résilience en France. Concept qui traduit une capacité à réagir, à rebondir, à faire preuve d'élasticité et de souplesse, même dans un environnement délétère. Être résilient, c'est avoir du ressort face au choc de l'existence. Bien. Or, il se trouve que la résilience, c'est tout simplement le marché des libéraux. La bourse est en train de baisser, ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, elle remontera. Résilience. La mondialisation crée du chômage près de chez vous. Ne vous inquiétez pas, tôt ou tard, vous retrouverez un emploi. Résilience. La résilience concerne particulièrement les salariés, auxquels le rapport Attali ne veut plus imposer de durée légale du travail, ni d'âge de la retraite. Laissez faire le marché et tôt ou tard, ça s'arrangera. Il se peut que tôt ou tard, vous soyez un petit peu mort, donc vous n'ayez pas vu les choses s'améliorer, mais c'est pas grave. En fait, la résilience, c'est tout simplement la tendance naturelle du marché à aller à l'équilibre. Et les marchés ne vont pas naturellement à l'équilibre? Eh bien, quand vous laissez une voiture descendre la pente sans freiner, souvent, elle s'aplatit contre un arbre. Les Islandais ont quand même refusé de payer une partie de la dette des banques et mis quelques banquiers en prison. Oui, mais tu sais, quand tu as du pognon et tu vas en prison, tu peux demander une chambre meilleure. Hein. Tu demandes la suite. Bon, enfin, leur honneur est un peu blessé, hein, mais ça ne sera pas la première fois. Ils vont revenir. Hein. Ils sont plus ou moins encore propriétaires de tous les business du pays. C'est les mêmes. Hein, ça, rien n'a changé. Enfin, je sens peut-être un peu pessimiste, mais c'est comme on ressent les choses ici. Hein. On a dit au peuple, disons, que tout le monde avait fait des erreurs. C'est la faute des gens ordinaires. C'est le fameux argument de l'écran plat. Tout le monde a acheté des TV écran plat, donc tout le monde est coupable. Les politiques ont parlé comme ça, vraiment. Donc moi, je, en tant que philosophe, je ne crois pas à cet argument. C'est plutôt naïf, mais bien entendu, les élites politiques ont essayé de faire passer la faute au peuple, mais les gens ordinaires n'ont pas été très contents de ça, et donc on a manifesté. Paillées photographies, vieilles photographies. Encore une fois, je regarde de vieilles photos de manifestations, marches, rassemblements dans les rues, dans des stades, sur des places, photos de 65, de 68, de 74, de 81. Au milieu de foules uniformes, j'essaie d'agrandir le visage, de distinguer l'expression de chacun, volontaire, inébranlable, révolté, couverte de sang, joyeuse, lesquelles... Titos Patriekus, est-ce que vous rajouteriez aux dates, là, que l'on vient d'entendre, 74, 80, est-ce que vous pourriez rajouter 2008, 2010, 2012? C'est une poésie assez récente, écrite il y a quelques années. Et je crois que celle-ci encore, j'espère qu'elle est toujours en vigueur, au moins. Je crois que l'événement fondamental maintenant, c'est que la Grèce est pressée par deux forces. Les exigences des institutions européennes pour une série de réformes qui sont vraiment douloureuse pour tous les Grecs. Et de l'autre côté, l'éventualité d'une sortie de la Grèce de l'Europe. Je suis dans un âge très avancé. Maintenant, quel avenir ? Le chômage, les impasses, les migrations. Il y a des milliers et des milliers de jeunes diplômés qui partent. Il y a des centaines, sinon des milliers, de médecins grecs qui travaillent maintenant en Allemagne. Le départ du cerveau. Alors ça, on doit faire face à tout ça. L'atmosphère est tendue, est difficile. Et moi, je dis, l'angoisse, je suis d'accord pour l'angoisse, parce que l'angoisse peut mobiliser, mais pas la dépression. On ne peut pas faire face aux difficultés continues si on est déprimé. La dépression est interdite. Mais... Phoenix, Arizona is America's largest battleground for real estate auctions. 36,000. Go another 100. A gambler's paradise where every day bidders wager small fortunes on houses they're only allowed to see from the outside. Jackpot! Dans Property War, la guerre immobilière, il y avait aussi John. Lou et John, éternels concurrents et amis, ils se souviennent de ce bon vieux temps quand la crise battait son plein. A pool of blood. Une piscine de sang avec des milliers de requins autour, c'était ça, une frénésie totale. À qui appartenait le sang dans la piscine ? Aux pauvres gens qui ont perdu leur maison. Une piscine de sang et un millier de requins qui arrachent tout dans tous les sens, c'était complètement fou. On n'arrivait pas à se frayer un chemin jusqu'aux enchères. Il y avait des centaines de personnes. Mon record, c'est 24, non, 27 maisons achetées en une seule journée. Parfois 20, parfois 30, il y en avait pour tout le monde. C'était une période phénoménale. Honnêtement, c'est l'une des meilleures de ma vie. D'abord, j'adorais faire ça. J'adorais. Et en plus, on faisait un fric de dingue. C'était comme de vivre un rêve. Vous savez, dîner au restaurant, dépenser de l'argent, aller à Vegas, comme ça, c'était fou. Et pour couronner le tout, le reality show. Je me considère comme un gars très chanceux. Et si le marché redescend, là, on pourra dire que je suis franchement verni. Au début, les banques ne savaient pas quoi faire de toutes ces maisons. Agents immobiliers, ce n'est pas leur métier. Alors elles ont paniqué, elles ont réduit le prix de départ des enchères et c'est là que les investisseurs se sont mis à acheter comme des fous. Les fonds spéculatifs ont acheté en masse en 2008, 2009, 2010. Ils se sont calmés à partir de 2010. Là, on les voit revenir, mais pas autant qu'avant. Ce qui se passe en ce moment ressemble en fait beaucoup à la période pré-crise. Le marché est redevenu complètement fou. Les prix augmentent à une vitesse anormale. Ça va beaucoup trop vite. 8, 10% de plus chaque année. Il y a moins de biens en circulation, c'est pour ça. Est-ce que ça vous inquiète ? Non, moi je veux que tout aille mal de nouveau. C'est comme ça qu'on fait de l'argent. It's a great question, and it's the place we always need to start. We start with a very simple definition. Sustainable investing combines the best of traditional investing approaches with insights about society, traditionally non-financial insights, to generate better long-term outcomes for our clients. In 2020, we see two principal limits. Que dit ce spot publicitaire ? Eh bien, qu'en 2020, le réchauffement climatique fait ressentir de plus en plus violemment ses effets sur notre environnement et sur notre société. Et donc, que l'on ne peut plus investir comme avant, ni faire n'importe quoi. Donc, investir en 2020, c'est investir durable. Il faut que la finance s'empare des questions qui jusque-là étaient réservées à la société et ne relevaient pas de son monde à elle. Il faut ramener les questions environnementales au cœur de la finance. Et quel argument proposer aux investisseurs ? Eh bien, premièrement, qu'ils peuvent investir en étant plus en accord avec leurs convictions intimes. Deuxièmement, que bien sûr, on peut poser des questions sur les risques encourus. Et troisièmement, qu'il faut penser à toutes les opportunités que cela représente. Au XIXe siècle, Les pionniers du capitalisme pensaient que ça n'allait pas durer. En 2020, la finance a encore de la ressource. C'était 2008, la crise sans fin. Archivina, Anne Brulant. Merci à Régis Royer. Mixage, Philippe Mercher. Un documentaire de Doria Zénine et Marie Chartron. Rêveuse, idéaliste, utopiste, naïf, réaliste, pessimiste ou résigné, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter à Athènes, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vona Bolivier, Jules Crétois et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France. Et pour nous suivre, c'est sur Twitter et même sur Instagram. Et la semaine prochaine, nous retournerons à la recherche des livres manquants. Mais demain, à la même heure, c'est Grand Reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end. Une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.